7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. Paname c'est la Champions League, on baisse le Champions League. Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. On baisse le Champions League, click click click click click click click click. Suprême sur Skyrock. Enfoirés, chèque qui passe au marbre, ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de pêche, connais pas mon salaire, mais c'est pas des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette, la concurrence, vois que des abrutis. Tout ça pour le même but, reste dans le mur, fiston, et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Skyrock, Rock, Rise Supreme. Fais le move, fais le move. J'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là tu me rembours. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, on en rit, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les amis qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Loulou et Boudin, Loulou et Boudin, on connaît Chanel, on connaît Chanel. Bonsoir, DJ Case te mixe tous les sons de Rise Supreme. Direct sur Skyrock. DJ Kays, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rise Supreme.

heures, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Appelle les poulets, une équipe de berbères vient pour tout ravaler. Les capos, c'est nous. Ne viens pas te mêler. Je passe pas à la télé tant que mes rebelles écoute, j'ai rien à prouver. Nique tout sur la piste, amène ta go et tape du pied, danse comme un chaouillet. Danse comme un chaouillet. Danse comme un chaouillet. Danse comme un chaouillet. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Moment de joie, on ne vit qu'une fois. ديل عندي يا طفلة راهو ما عندي يا طفلة راهو ما عندي داير الحنة في رجلي لبس السروال وردي صورك نازل عندي يا طفلة راهو ما عندي يا طفلة راهو ما عندي داير الحنة في رجلي لبس السروال وردي فكري كيفاش كنتي يا الملهوفة كي كنتي يا الملهوفة كي كنتي نهار جيتي من البلاد العروبيات بلنتي Yeah. l'heure que je bossais ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. Je fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas vanner. Je vais les laisser dans le déni car ce soir je suis dans mon délire. Ouais, tout seul, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Blue Lab, Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Le DJ, Mora, t'as compris les dangers. On fera le bled, ça va pas changer. Je suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Hlinis, la France, in Albuholo. Hey, I'm on this Samsung car. Samsung car.

Masque sous le casque AGV, c'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens, pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délitudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui, ça fait des grosses peines. Normal, j'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'lâche la plaque, normal. Père de hopé, normal. Impact sans cagoule, normal. Rock d'or, hardcore. Et j'dors, t'es mort. La nuit pleine d'automie. Sans parler, rien que ça dort. Déterre, sous mon père. On t'enterre ou on t'enterre. Bédo, perso, moto. Hasta luego, civil. Patrouille, ara, la dépouille. Passe-moi une rise là, elle est bonne brise là. Quand tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du Lalonzo dans le virage. Merde, tu es trop bizarre, bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne brise là. Quand tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du Lalonzo dans le virage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Ça dit quand ils volent, volent, volent. Je représente ta misère, zère, zère. C'est du petit zère, zère, zère. Contre trop bizarre, zère, zère. C'est mon sang qui zère, zère. Son plein de manie, j'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rue valide. Deux chauffe quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. Minuit, deux heures, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Sur la chair de ma chair, j'vous encule, j'en rigole. AMG, en BG, j'ai la folle, j'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des tonnes. En train de cramer, j'embrasse tous mes vaillants qui sont en tôle. Y'a la vie, y'a la mort, y'a des gens bien, y'a du saut. Rail Suprême, 2 heures, DJ

Rappé mon image. Sur Skyrock. كون عشق فيك يا عربية بتحبك

mal, on sera sûrement désagréable. Nouveau riche, mal à bord, fini après quelques dodanes. J'finis la chlorine, j'suis ni sur canal, ni sur tout ce café. J'suis au canal ou au news café. J'ai rien lâché, j'ai fait que t'as fait. Ils ont monté le volume, ils s'en fait baffer. J'viens d'Afrique, j'suis marocain. J'fais des sons lourds et des sons coquins. J'respecte tout le monde, j'ai mon prochain. Mais des concurrents, j'en ai aucun. Et autour de moi, trois pas que ça dort. Ça vient d'Algérie, du Zaïre, des Comores. Si tu me vois plus trop à bon dinor, c'est que j'vais les choquer encore et encore. J'ai fait des millions, il me faut des milliards. Blabla, quand vous êtes d'Alia, y'a comme ça que ma belle-mère me trouvera mignon. Oui, oui, oui. Limodon, limodon, limodon, limodon, limodon, no, ah, ah, ah. Soko Ramon, y'a un ensemble, y'a là. Limodon, limodon, limodon, limodon, no, ah, ah, ah. Soko Ramon, y'a un ensemble, y'a là. J'ai failli dérouter, mais bon, fallait lutter. Mais aujourd'hui, ça a payé. Comme quoi, fallait essayer. Le fichier banque de France est nettoyé. J'ai réglé les factures et le loyer. J'ai fait des millions, il me faut des milliards. Un euro, des milliers, il me faut des millions. J'm'en fous des blabla, quand vous êtes d'Alia. Y'a comme ça que ma belle-mère me trouvera mignon. اجي وحدو انا كيدي خفينا الزواج دوقا يونو ينتيميك والريغة تابق ميدنا بناء انسوقا كل شي وريقي وينو كي همني راسي غدا وبعدو بمالي ميدوي خليهم يقولو وجوما تهنيت وتحابوني بي وبمالي ميدوي خليهم يقولو انا انا وراسي بخير سكاي رايك انا وراسي بخير انا حبك وردو خلاني مجنون توب قلبي ما قديتي الأرض بعيدة وأنا بوحدي تعرف وأنا بوحدي ذاعف رهبيك نسيتي كلامك نسيتي ورودك أنا ليك كنشوفك في خيالي وأنا في طريقي غادي صرت قدامي حمقتيني بيبي آه قلبي طاح في هواك وأنا عايم فيه هيه نغني باش نخرج اللي ما بغيت وما هاني انا عييت ولا صبرك فهمني خاصي فلوس خاصني حاجه عندي باش نبات انا عندي انا عييت ولا صبرك فهمني راني بين عشراني ولا حاجة تغلبنا وإلا كنتي ديما حاضر ديري ديك معانا يلي راسك عامر بارطاجي وعلمنا Elle me fait m'évader loin de tout. Moi j'aime ça. baúl de recuerdos que llevo por dentro. Abrí de nuevo ese baúl de recuerdos. Rai Supreme. Deux heures, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Do do. ايام زماني كانت ساعه مسكينش ما بيفاع قرطو ليامي وما دفاع قلتو قدامي حرموني مش بابي واني كنت صغيرة في الروح جوجوني شيباني ما كيلاش ما كيلاش اللي فاش مات ايام اجتدادي ايام الزينة جات مرايتي خسارة الشيباني خاد السن وهرب خدولي شبابي خدولي حلامي حرموني حلاوة صغر خلوني نفاجي حياتي هادي ما عندي غير صبر ما كيلاش ما كيلاش اللي فات مات ليام جديدة هادي ليام الزينة جات Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran Kaderin püsküllü bela yakalarsan Salut, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême.

قلبي مجروح وبكيتي C'est Rail Suprême sur Skyrock. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Salut, c'est DJ Kays. On se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Skyrock. Le retour d'être en coup. Les fruits, bien mûrs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.

aime ça. Profitez des moments de joie.